Le président s'est retiré dans sa résidence secondaire en attendant que le gouvernement prenne une décision au sujet de sa proposition de loi. À mon avis, c'est plutôt en attendant la fin des émeutes. Mais non, il s'est retiré en attendant que son premier ministre démissionne. Pas du tout, c'est en attendant l'avis de son conseiller personnel. Mais non, il préfère ne rien dire en attendant de trouver une solution au problème.